Bonsoir à vous tous qui étiez à l'écoute de la radio Isanganiro et bienvenue dans cette édition de la soirée de ce 6 novembre 2016. Tout d'abord, les grands titres. 7 personnes en sont incarcérées au cachot de la police de Guihanga depuis ce samedi. Elles sont soupçonnées de collaborer avec les groupes qui enlèvent les gens dans cette localité. Certaines cultures seront touchées par le dérèglement climatique en province de Kayanza. Vous allez suivre les précisions du directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage qui indique néanmoins que cette province a connu une bonne récolte pour la saison culturelle précédente. Le reportage de ce samedi va nous conduire en province de Kirundo où nous allons vous parler des conditions de vie des rapatriés qui avaient fui le pays vers le Rwanda voisin. Bienvenue, la cabine technique est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti à la présentation Aubin Nyonguru. Ouvrons ce journal avec la page agriculture. La saison culturelle 2017A a eu des perturbations liées au changement climatique en province de Kayanza. Comme presque partout ailleurs sur le territoire national, la pluie n'a pas été régulière au début de cette saison culturelle. Le directeur de l'agriculture et de l'élevage indique néanmoins qu'il n'y a pas de famine dans cette province puisque la récolte avait été bonne pour la saison précédente. Claude Nzambimana cite les cultures qui ont été touchées par ces dérèglements climatiques. Je vous prie de l'écouter. Cette disparition des pluies ont causé des effets sur les cultures qui ont déjà été semées et plantées, qui ont subi par exemple les cultures de maïs, cultures de haricots, les cultures de petits pois. Et maintenant que la pluie est retournée vers la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre, les agriculteurs qui n'ont pas lancé les semis et les plantations, ils ont retourné sur le champ et maintenant ils vont commencer les activités de plantation et de semis pour les différentes cultures. Compte tenu des contraintes, ce que nous avons remarqué, c'est que certaines cultures qui ont été semées auparavant ou plantées auparavant, ils vont subir cet effet de manque de pluie sous l'effet du faible taux de germination. Et autre effet qui va se remarquer, c'est que la deuxième saison, la saison critérale B, va avoir des conséquences. Puisque ceux qui sèment aujourd'hui ou qui plantent aujourd'hui, ils n'auront pas l'occasion de récolter au début de la deuxième saison, la saison critérale B. Et nous profitons de l'occasion pour faire appel aux agriculteurs de semer une partie aujourd'hui pour réserver une partie qui sera exploitée pour la deuxième saison qui tirera le bain. La situation agricole dans la DPI Kayanza se montre favorable suivant les récoltes que nous avons connues pour l'année passée. Malgré les changements climatiques, nous apprécions la récolte chaque fois si le climat est bon. Je vous informe que la DPI Kayanza se trouve dans les trois parties régions naturelles avec une grande partie de Buyenzi, une petite partie de Mugamba et une très très petite partie de Kirimiro. Dans cette région, on cultive les cultures vivrières comme le haricot, le maïs, la pomme de terre, le manioc, les bananes et les légumes, avec une petite exploitation pour le riz dans les marais qui sont aménagés par les différents projets comme Payevab et Prodefi. Claude Nzambimana est le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage en province de Kayanza. La commune Muyinga a résilié son contrat avec une société locale dénommée Sokogem en charge de l'exploitation du marché de Muyinga. Lors de l'Assemblée générale des sociétés ce samedi, l'administrateur de la commune a signifié que les intérêts communs doivent primer sur ceux d'une centaine de personnes membres de la dite société. Reportage signé de Donné Nzaïmana. C'est l'heure du bilan au sein de la société de gestion du marché Dom Moyinga, dit Sokogem. Le contrat qui la lie avec la commune depuis avril 2014 a été unilatéralement résilié par la commune le 30 septembre de cette année et n'a plus donc le droit d'exploiter le marché Dom Moyinga. À l'Assemblée générale des membres, ce samedi, Leonard Waka, vice-président de la Sokogem, a rappelé qu'ici, le marché a été privatisé. C'était la recommandation de la Banque mondiale qui a en grande partie financé la construction du marché via un programme dit PTPCE. Parmi les sociétés, certains ont contribué financièrement aux travaux de construction. En 2014 et 2015, cette société et la commune ont partagé les dividendes du marché conformément au contrat. Pourtant, depuis fin 2015, la commune a commencé à violer ses engagements d'après la Sokogem, notamment en faisant la restriction de l'aire d'exploitation au seul marché, alors que conformément aux clauses du contrat, c'était dans un rayon de 5 km. L'autorité provinciale a joué la médiation sans succès. Philippe Ngiramihigo, administrateur de la commune de Moyinga, rejette plutôt la responsabilité aux sociétés qui signalaient travailler à perte. Les membres du conseil communal ont estimé que les intérêts des administrés doivent primer sur ceux de 140 actionnaires dont la Sokogem. Côté Sokogem, on demande à la commune d'aider pour que cette société recouvre l'argent non encore payé par certains propriétaires de magasins et rembourser aux ayants droit les contributions aux travaux de construction du marché de Moyinga, faute de quoi en compte saisir la justice. Dieudonné Nzeyimana, Moyinga Radio, Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page sécurité, 7 personnes sont détenues au cachot de la police de Guiyanga en province de Bubanza depuis ce samedi. Certaines de ces personnes ont été arrêtées au moment où ils étaient entrés de pêcher dans les eaux de la rivière de Rusizi dans la réserve naturelle de la Rukoko. Les policiers comme les militaires qui assurent la sécurité dans cette réserve les suspectent de travailler de connivence avec les groupes de malfaiteurs qui enlevaient les gens dans cette localité. De Bubanza, rendons-nous à Rumonge où 22 autres personnes et habitants des quartiers de la ville de Rumonge sont détenus au cachot de la police de Rumonge. Depuis l'après-midi de ce samedi, elles ont été arrêtées en train de consommer, fabriquer ou de vendre les boissons prohibées et d'échanger des produits qui perturbent la sécurité et sont nuisibles à la santé de l'homme, comme le confirme le médecin provincial de Rumonge. Le détail avec Jean-Pierre Misago. Toutes ces personnes habitent les quartiers Birimba, Mugomere, Nkayamba et Rukinga dans les localités de Nyakara et Mitondo. L'administrateur communal de Rumonge, appuyé par la police, les a surpris ce samedi matin en train de consommer, de produire, de vendre des poissons prohibés, dont Kanyanga et du chanvre à fumer. Dans cette opération, plus de 21 000 litres de boissons ont été versés par terre. 1,5 kg de chambre à fumer, plusieurs bidons et fûts de diverses sortes et 4 filets maillants monofilaments incendiés et 11 micro-usines de production de ces boissons détruites. Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, inscrit cette opération dans le cadre du maintien de la sécurité, de la préservation des économies familiales et de la santé publique. Docteur Jean-Claude Ndikumasabo, médecin provincial de Rumonge, abonde dans le même sens. Pour lui, ces boissons à degré d'alcool élevé mais non connu causent des problèmes cérébraux et des yeux par le méthanol qu'elles contiennent et peuvent conduire à la cécité chez les consommateurs. Par ailleurs, ces boissons qui sont filtrées par le foie causent souvent la cirrhose du foie alcoolique mortelle. Selon son médecin, l'abandon de ces boissons trop alcoolisées et les stupéfiants conduit à une bonne santé, source de développement. Les personnes arrêtées devront payer une amende administrative et les administratifs collinaires devront, en plus de cette amende, être limogés, selon l'administrateur communal de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à toi Jean-Pierre Misago. Page sportive de ce journal, le jeu de karaté a repris après quelques jours qu'il n'était pas pratiqué officiellement à cause de la situation sécuritaire qui prévalait dans notre pays. Depuis ce samedi, la Fédération de karaté du Burundi a organisé un championnat national édition 2016. Le vice-président de cette fédération, Bernard Bizoza, a indiqué que ça sera une occasion de détecter les talents qui vont représenter le Burundi dans les prochaines compétitions à l'échelle internationale. On l'écoute. L'activité qu'on est en train d'organiser présentement, c'est le championnat national édition 2016. L'objectif de ce tournoi est d'abord de pouvoir organiser la compétition entre les différents clubs et les individus aussi pour avoir le meilleur club et le meilleur athlète au courant de l'année. À la fin de ces compétitions, on aura le club champion, on va aussi avoir des individus parce qu'on fait des compétitions individuelles. On pourra identifier les meilleurs compétiteurs pour l'année 2016 au niveau de la fédération burundaise de karaté. Vous avez combien de clubs aujourd'hui qui participent ? Normalement, pour les clubs qui sont régulièrement affiliés à la fédération, nous en avons 26 au niveau national, mais les clubs ici présents sont au nombre de 16. Je dirais que les clubs sont essentiellement les clubs de Bujumbura et certains clubs des provinces frontalières de Bujumbura-Mairie. Sinon, pour les clubs de l'intérieur du pays, ils ont connu des problèmes d'ordre financier. Par cette compétition, quelles sont les perspectives d'avenir ? La fédération burundaise de karaté était championne de la région zone 5 de 2008 à 2014. À partir de 2014-2015, on n'a pas pu participer dans ces compétitions. On aimerait reprendre pour essayer de garder la même place qu'on avait. On ne compte pas nous arrêter là-bas. On aimerait aussi participer dans les compétitions au niveau africain, que ce soit le championnat d'Afrique ou les Jeux africains. Mais aussi, je dirais que c'est une chance pour le karaté de la Fédération burundaise de karaté et tous les karatékas du monde en général, parce que le karaté vient d'être accepté comme sport olympique. Et là, nous pourrons en profiter pour préparer nos athlètes afin de les permettre d'avoir les minima, de remplir les critères pour pouvoir participer aux Jeux olympiques de Tokyo d'ici 2020. À la source, reportage. Comme je vous l'avais annoncé, notre reporter d'aujourd'hui, Alain Désiré Bukeneza, nous conduit en province de Kirundo, qui comptait environ 7000 rapatriés qui sont rentrés du Rwanda. Ces derniers décrivent la vie difficile dans les camps de réfugiés. Cependant, certains d'entre eux déplorent qu'à leur arrivée, ils ont trouvé de nouveaux occupants dans leur propriété. La commission chargée de rapatriement ne le nie pas. Elle explique qu'elle a mis d'autres personnes dans les propriétés inoccupées pour protection. Côté administration, le conseiller principal du gouverneur affirme que les biens des personnes qui ont fui le pays sont bien gardés. Reportage signé Alain Désiré Bukenez. Les voix que vous entendez sont celles des rapatriés qui sont venus du Rwanda. Nous sommes dans la commune Busoni de la province Kirundo. Ils disent avoir mené une vie difficile dans le camp des réfugiés de Mahama, surtout en ce qui concerne l'accès aux vivres et aux soins de santé. La vie dans le camp n'était pas facile. C'était au mois de juin et la pluie nous menaçait dans les tentes. La plus grande difficulté était d'avoir accès aux soins de santé pour les malades où l'on pouvait prendre 2 jours sur une file d'attente. La difficulté d'avoir accès aux vivres était plus ou moins tolérable puisqu'il y avait des grammes prévus et si cela s'épuise, on devrait attendre la redistribution. Pire était l'accès au bois de chauffage. Chacun avait droit à un seul bois de chauffage pour tout le monde. Ce qui leur choquait est la difficulté rencontrée pour pouvoir sortir le camp des réfugiés dans l'optique de revenir dans leur pays natal, comme ils continuent de l'exprimer. Sortir le camp de réfugiés était difficile. On devrait prendre 3 ou 4 mois pour réfléchir sur les tactiques de pouvoir sortir. Nous avons laissé là nos propriétés. Le problème est que les propriétés d'ici ont été malmenées. Pour pouvoir sortir, j'ai commencé à faire sortir mes habits par l'intermédiaire des élèves qui partent à l'école. Mais puisque cela devrait prendre beaucoup de temps, j'ai dû abandonner tous mes biens. Certains de ces rapatriés disent retrouver leur maison saccagée et partant ne retrouvent plus leurs biens délaissés. Il y en a même qui disent avoir retrouvé de nouveaux occupants dans leur propriété foncière. Cet enfant avait voulu ne pas poursuivre ses parents afin de terminer l'année scolaire, mais s'est réfugié à son tour après. De son retour à l'école, il dit avoir retrouvé un occupant dans la propriété foncière de sa famille. Il y a des propriétés dans lesquelles nous avons trouvé un nouvel occupant. Nous avons imploré à celui-ci de déguerpir, mais il a refusé. Il a refusé même de répondre à la convocation du conseiller à la commune, arguant qu'il prépare sa bière de banane. Nous avons constaté qu'il veut continuer d'occuper la propriété foncière arbitrairement. Il n'y a pas eu de transfert de propriété puisqu'il n'a aucune preuve. Depuis le début du mois d'octobre, les commissions ont été mises en place dans les communes Busoni, Bugabira et Kirundo pour sensibiliser les réfugiés de retourner. En commune Busoni, l'un des 11 membres de la commission dit que dans l'optique de protéger les propriétés des réfugiés, des occupants l'ont pris provisoirement en attendant le retour de ces réfugiés et que la commission les aide à se rétablir dans leurs droits. Les rapatriés retrouvent leur maison, mais puisqu'au moment de leur départ, certains laissaient leur maison fermée sans aucun occupant. Dans ce cas, les cas de vol sont manifestés. C'est pour cette raison ceux qui sont restés ont pris l'initiative de donner ces maisons pour occupation provisoire en attendant le retour de leurs propriétaires. Le conseiller principal du gouverneur de la province Kirundo l'exprime autrement. Il fait savoir que lors du départ massif des réfugiés, l'administration s'est précipitée à protéger leurs propriétés. Gérard Ngawonziza dit que personne ne s'est pas encore présenté auprès de l'administration provinciale pour réclamer sa propriété. Quand ils sont pris départ, nous avons d'abord pris l'initiative de garder leurs propriétés, leurs biens, que ce soit les propriétés, que ce soit les maisons. Nous avons pris l'initiative de les garder intactes, quitte à ce qu'aujourd'hui, chaque personne qui retourne, ils rejoignent dans leur ménage d'origine et la population environnante les aide à se rétablir dans leurs biens. Les rapatriés qui ne retrouvent pas leurs propriétés demandent d'être rétablis dans leurs droits. Ces rapatriés avaient quitté le pays lors de la période d'insécurité qui a caractérisé la province Kirundo depuis la fin du mois d'avril l'année passée. Jusqu'à fin septembre cette année, l'administration provinciale estime le nombre de rapatriés à 7 000. C'était le reportage d'Alain Désiré Wukeyeneza. Et c'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous qui étiez à l'écoute et merci aussi Aimé Toussaint Mitewoti pour sa parfaite collaboration. Bonne soirée à tous.